Sacrebleu, sacrebleu, sur la plage, de la mirage. Sacrebleu, sacre, sacrebleu, sacrebleu, mon Dieu, sacrebleu, sacrebleu, sur la plage, sacrebleu. Nous allons sur la plage. Sous la plage de la mirage, nous couchons sur le sable, au soleil, sous la plage, nous faisons l'amour, mon Dieu, sacre plage, mon amour. Sacre bleu, sur la plage, et la mirage. Sacre bleu, sacre, sacre bleu, sacre bleu. Sur la plage de la mirage, nous couchons sous le sable, au soleil, sous la plage, nous faisons l'amour, mon Dieu, sacre bleu, mon amour. L'entourage, espionnage, sabotage, le barrage, sous la plage, la mirage, bon voyage. Sacre bleu, sacre bleu, sur la plage, la mirage, sacre bleu. Nous allons sur la plage, de la mirage, nous couchons sur le sable, au soleil, sur la plage, nous faisons Sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu, sacre bleu